conneries pour dire oui, je fais une soirée parce que c'est faux. Donc, maintenant, tenez-vous sur vos gardes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, vous avez jusqu'à la fin septembre. Si fin septembre, ça continue... Rappelle-leur le tribunal, Gérard. Si ça continue fin septembre, je vous donne jusqu'à la fin septembre. Si fin septembre, j'entends encore une connerie sur mon dos, c'est clair et net, je vous laisse tomber. Et je laisse tout le monde tomber. Mais parce que pour l'instant, j'ai prévu... il y a deux débats ce soir. La semaine prochaine, il y aura deux autres débats. Même à la rigueur, je pense que ce soir, si ça se passe bien, on pourra peut-être en faire trois, parce que je suis en train d'en préparer un troisième. Donc, je vous préviens d'une chose. La personne qui a été dire...